Et mon beau marin, qu'est-ce que tu dirais de venir te détendre avec une belle sirène? Et mon beau marin, qu'est-ce que tu dirais de venir te détendre avec une belle sirène? Si tu me payes un bon prix, je t'emmène au paradis, mon ange. Disons, 3 pièces d'argent. Si tu me payes un bon prix, je t'emmène au paradis, mon ange. Disons, 3 pièces d'argent. Vous vous moquez de moi? Il est bien majeur et responsable, non? Vous vous moquez de moi? Vous vous moquez de moi? Il est bien majeur et responsable, non? C'est à lui de décider s'il veut tirer son coup. Un coup. C'est à lui de décider s'il a envie de tirer un coup. C'est à lui de décider s'il a envie de tirer un coup. C'est ça, oui! Allez-vous trombiner entre vous, pédale de l'armée! C'est ça, oui! Allez-vous trombiner entre vous, pédale de l'armée! Ça s'enfile toute la journée dans les douches. C'est ça, oui! Allez-vous trombiner entre vous, pédale de l'armée! Ça s'enfile toute la journée dans les douches. Ça s'enfile toute la journée dans les douches.